بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ندخل اليوم في الحديث 27 بس عشان الحديث كيغرب دو حديث وكلاهما بمعنى واحد كي تولدون الميم سنس. يقول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وكفبيسي اسم النواس بن سمعان الذي النبي صلى الله عليه وسلم البر وتدوري بار ça peut être l'obéissance, la vertu, également la piété, mais pas dans le sens de taqwa. La piété également, non. C'est le bon comportement. Ou l'ismo, qui serait le contraire, c'est-à-dire par le péché aussi, c'est ce qui te trouble en toi-même et que tu détesterais que les gens découvrent. Et tu n'aimerais pas que les gens en prennent connaissance. Apporté par muslim. Ou an wa bissa. ابن معبد رضي الله عنه قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال فاستفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتاوك. Donc selon Wa'abisa ibn Ma'bad, il a dit qu'il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce dernier lui a dit: tu es venu pour interroger à propos du bir. Il a dit oui. Il a dit: interroge ton cœur. Le bir, c'est ce sur quoi l'âme s'apaise, ainsi que le cœur. Et le ism, c'est-à-dire le péché, est ce qui te trouble en toi-même et qui, on va dire, taraddad, qui te rend hésitant. Même si les gens venaient à, même si les gens te le permettraient, par des fatwas. فَيَقُولَ أَوَّلًا الْبِرُّ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ خِصَالٍ الْخَيْرِ مِثْلُ التَّقْوَى جَامِعَةٌ لِكُلِّ خِصَالٍ الْخَيْرِ وَالْبِرُّ ضِدُّهُ الْبِرُّ الْإِثْمُ وَالْبِرُّ ضِدُّهُ الْإِثْمُ كَمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Justement, al-bir, c'est un mot d'ensemble qui contient toutes les bonnes caractéristiques. Comme la taqwa, ça prouve que tu vois, c'est plus large que la taqwa. Tout comme la taqwa plutôt est également un mot d'ensemble qui également regroupe toutes les caractéristiques du khayr. Et l'opposé du bir, c'est al-ism, qui est souvent traduit par le péché. Dans le sens où Allah dit: et entraidez-vous, enjoignez-vous dans l'obéissance et la taqwa et la piété, et ne vous entraidez pas dans la désobéissance ou le péché et la désobéissance. Donc ce hadith a pour hikmah de montrer que la personne a en elle un nefs qui est un mizan, une balance qui lui permet des fois de savoir qu'est-ce qui peut être bon ou mauvais. Chose qui n'est pas dans l'absolu. Quand bien même, هذا نجده عن الكفار في ضميرهم, ce qu'ils appellent la bonne conscience, mauvaise conscience, وكذا. Les choses qui en toi, tu sais qu'elles ne sont pas bonnes. Tu sais qu'elles ne sont pas bonnes. Ça, c'est une chose qui est commune à l'être humain. Seulement, le kafir, il n'a pas les normes de l'islam. Il ne pense pas à la muraqaba, que Allah Azza wa Jal le regarde et qu'il se rendra des comptes de ce qu'il va faire. C'est juste une bonne conscience, mauvaise conscience par rapport aux gens. Là, ça concerne par rapport à toi les comptes que tu auras à rendre yom al-qiyam. Fafikoli, al-birru husn al-khuluq. Al-birru, c'est ce qu'on appellerait le bon comportement. C'est-à-dire que ce bon comportement est une forme de bir. Ce n'est pas tout le bir. Bir, yashmel ashiya kathira. Beaucoup de choses qui rentrent dedans. Mais quand tu vois quelqu'un qui a, à la base, husn al-khuluq, un bon comportement, هذا يجعلك ألن تحكم عليه بأنه مستقيم في الغالب. Quelqu'un qui se comporte bien, qui parle correctement, qui agit bien, tu vas mettre l'avis sur lui que c'est quelqu'un de droit, en premier lieu. Donc cela en fait partie. Lorsqu'il dit El-Biru, Husnul Khuluq, il faut dire que c'est parmi les choses les plus importantes du bir, c'est Husnul Khuluq. Comme lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le shir le cite, Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est la station Arafat. Ça veut dire que c'est tout cela le Hajj? Non. C'est-à-dire que ça, c'est une des choses les plus importantes dans le Hajj. Mais d'autres choses que tu fais du Hajj, si tu le délaisses, le Hajj pourrait être bâti, le kazalik. Ou, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dinu al-Nasiha. La religion, c'est le conseil. Est-ce que la religion, c'est que le conseil? Non. Al-Qala al-Dua wal-Ibada. La vocation, c'est l'adoration. Ah, min hada al-bab. Donc, c'est le fait, Khusn al-Khuluq, Qala ma'anahu, Siyatul al-Bal wal-Bashasha fil-Istiqbal. وتعامل مع الناس بمعاملة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن encore c'est le fait de bien se comporter avec les gens d'avoir de bons échanges de noble caractère comme l'a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم comporte-toi bien avec les gens d'un comportement noble car cela a une grande influence sur les gens d'ailleurs c'était parmi les caractéristiques majeures du Nabi صلى الله عليه وسلم comme le Ta'ala وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُوقٍ عَظِيمٍ Tu es certes d'un comportement qui est immense, bon comportement. Et cela est une cause de qaboul de beaucoup de gens pour sa da'wah, le comportement qu'il avait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à celui qui a un comportement excréable, quand bien même il serait quelqu'un qui a beaucoup de science, déjà ça mènerait à ce que sa science ne l'applique pas, d'une part. Et d'autre part, cela ferait fuir les gens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un exemple, un modèle pour nous. Comme le Ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الله صوت حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا il avait en le message d'Allah un modèle pour vous وقال والاسم الاسم c'est le sens de اسم c'est le sens de péché qui est le contraire du bir et il dit que l'اسم ما حاك في نفسك c'est-à-dire une chose qui te trouble en toi-même et dans l'autre version du hadith تردد في الصدر c'est-à-dire qu'il pousse à la confusion en toi-même. D'accord? Tu es une chose qui te reste, qui te laisse confus, perplexe, tu ne sais pas, tu es sceptique. Par exemple, tu as une chose en toi, tu te demandes, est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas? Une parole qui vient en toi, tu dis, est-ce que je dis ou est-ce que je ne dis pas? Voilà, Kaza. On fait le ralib, si jamais tu es hésitant comme ça, c'est que tu sais que derrière, il y a peut-être des conséquences qui ne sont pas bonnes. Kaza, ça rejoint les hadiths de, qu'on a pris au début, d'Ibn Mas'ud sur les choses ambiguës. Ijtinab al-shubuhat. Les choses dont tu ne connais pas le jugement. Tu les évites par peur de tomber dans ce qui est pire par la suite. Et là, le shir, comme il le dit, ce mizan du bir et du ism est celui qu'on trouve chez le muslim mustaqim. Quand il y a qu'on l'a nef, c'est mu'min al-taqi. Amma al-fajiru fa wa laysa mizanan. L'il-bir ou l'ism. إنما المقصود المسلم التقي الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه له. Donc là on parle du mu'min qui est à la base une personne qui est pieuse. Quant au pervers, lui, on ne fait pas attention. Car les choses qui sont mauvaises, il va les voir comme étant bien. Les choses qui sont bien, il va les voir comme étant mauvaises. Combien de gens, tu les vois et combattent la sunna? Il voit par exemple un frère en apparence mustaqima, il le déteste aussitôt. Est-ce que eux, on va leur dire qu'ils ont une notion du bur et du ism? Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Donc ça, c'est basé sur un mizan qui est sur la taqwa. Comme le Ta'ala, « Ya ayyuhal ladhina amanun tattaqullaha yaj'alakum furqana yukaffiru lakum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. » Allah, il dit dans le sens, « Pour vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous apportera le discernement et vous pardonnera vos fautes. » Donc le discernement, il est accordé comment? Par le muttaqi, celui qui est pieux. D'accord, celui qui est pieux, celui qui n'est pas pieux, il ne distingue pas. Et ce hadith-là, il ne faut pas non plus en faire un hukm dans l'absolu. Des fois, les choses en toi, que tu penses qu'elles ne sont pas bien alors qu'elles sont bien, mais par ignorance. Ou le contraire, des choses que tu penses qu'elles vont être bien, tu vas faire une shihad, tu arrives même à dire, ulama, de faire une shihad sur mas'ala, de permettre une chose qui ne l'est pas. Ça, c'est, on va dire, c'est un fondement, mais sur lequel on ne va pas bâtir un jument shadri. C'est juste par rapport à toi. C'est une chose que tu veux faire, ce qu'elle est bien, ce qu'elle est pas bien. Au fond de toi, tu dis, je le sens pas, ce truc-là. Je préfère ne pas le faire. Ah, maintenant, est-ce que tu t'interroges par la suite, ou que tu dis, tu peux le faire. ou le contraire. Tu vas faire une chose, tu vois, tu la vois bien par rapport à ce que tu connais comme ma'aloumat, et quelqu'un te dit, ah, il ne faut pas faire ça parce que kaza et kaza, mais si, je vois que du khayl et kaza et kaza, tu vois, tu le fais. Et après, tu entends qu'en fait, non, il fallait pas le faire. Tu vois. Ça est fréquent, moi, ça. C'est pour cela, comme quand la ta'ala, parce qu'elle est vécline contre tout le monde, demande aux gens du rappel s'ils ne savaient pas. On ne sait pas. Ou des fois, des gens, ils ont des textes, ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris des textes. Ou n'ont pas su que ce sont des choses qui sont des jugements généraux, et que parfois, il y a des jugements particuliers qui en découlent et qu'ils ne connaissent pas. Ils vont dire, ya akhi, tel ayah dit que c'est haram, tel hadith dit que c'est haram. Il dit, naam, mais il y a d'autres hadiths qui font exception à la règle sur certaines situations, comme kaza et kaza et kaza. Par exemple, une masala dans laquelle beaucoup de gens te trompent, celle du riba, quand tu fais une mise en garde contre un égaré, et tu cites ses défauts que tu critiques. Il vient avec tous les hadiths sur le riba. Tu dis, ah, les hadiths sur le riba, ils sont vrais. Mais le fait de mettre en garde contre une personne qui va faire du mal, cela a d'autres adillah qui sont khos. D'accord? Qui sont khos pour lui. Et il y a plein d'ahadiths et des ayats qui permettent de critiquer des personnes qui sont nuisibles pour les autres. Donc ne pas tout mélanger. Ne pas tout mélanger par rapport à ça. Et dans l'autre hadith, c'est pareil. Dans le hadith de Wahabissa, il disait à propos du bir, il a dit « Ma t'ma'annat ilayya nafs wa t'ma'anna ilayya l'qalb » C'est ce sur quoi l'âme, elle s'apaise ainsi que le cœur. Fais ce que tu vois que tu veux faire, tu sens qu'elle est correcte, au fond de toi. Contrairement à celui qui entend une chose comme ça, et comme je t'expliquais, il est dans la confusion, il est perdu, c'est pas trop, il hésite. Ah, va يترك ثم يسأل إن انتروج par la suite. وقال والإثم ما حك في النفس وكريحة أن يتلي عليه الناس. Et que le péché, c'est ce qui te trouble en toi et que tu détesterais que les gens découvrent. Juste que tu as en toi, que tu penses, que tu ressens et tu n'auras pas que les gens le sachent. Dans l'autre version du hadith, wa taradda fi sadrik, ou fi sadr. Il y a des choses qui sont en toi. Cependant, tu ne veux pas les faire apparaître. Alors, tu as des choses en toi, tu veux les faire apparaître. Tu veux les faire, tu veux le montrer. Moi, j'ai montré, c'est pas montrer aux gens, mais tu veux les extérioriser. Donc, Allah Azza wa Jalla, il l'a mis, comme on l'expliquait, dans le nefs du muslim, du mu'min, et particulièrement le muttaqi, une lumière. Et une ma'alifa et un discernement. Et souvent, tu verras que même avant l'islam, les gens qui avaient plus cela en eux, ce sont ceux qui ont plus été amenés à se convertir par la suite. Ils avaient une retenue, des choses qui ne se permettaient pas de faire, certaines limites. Tu vois, ce qui prouve que je suis même chez quelqu'un, c'est une bonne qualité à la base. Tu vois, là, c'est pas comme les gens sans scrupules, ou comme ils disent sans foi ni loi, qui n'ont rien à faire, qui font tout ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, t'as des gens, même chez les koufars, ils ont ça en eux. Et souvent, ces gens-là, quand tu leur exposes l'islam et les nobles caractères de l'islam, ça les intéresse. Et si au minimum, ils ne veulent pas rentrer en islam, au minimum, ils ont respect. Tu vois? Pas comme ceux qui insultent l'islam, qui passent leur temps à dénigrer l'islam et à mentir sur l'islam. Ou à chercher des choses qui sont infondées pour pouvoir justifier leur haine contre l'islam. Tu verras des gens comme ça, souvent, même s'ils n'ont pas ça en eux, ils diront, cette religion-là l'appelle à un bien. Mais, kaza et walakin, après le rawat qui va venir, ah, kaza. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc par rapport à cela, win afta kennas wa afto. Même si les gens te mettent des fatwas par rapport à ça. Yani, un akshif in nafsik, tu vas voir quelqu'un, tu l'interroges. Tu sais pas murtah. Et il te dit, mais si, fais-le, kaza, kaza, kaza. À ce moment-là, tu dis, même s'il m'a dit ça, je suis pas mutma'in. Cette chose-là, je ne la sens pas. À part, maintenant, il donne un dalil, wadih. D'accord? Il t'explique la chose, wadih. Taïb. Mais sinon, il vient, et la chose, c'est pas clair, c'est toujours en toi. Quand même, hada yatrul fi hada. Linawa yakul, yakul lina al-ibara lissad bi mujarrad al-fatwa min al-alim. Wa inama al-ibara ma'a zalika bi nafsika. Fa idha wajat nafsaka tatma'in ila hadi al-fatwa, fa hada birrun. Wa idha wajat nafsaka takrahu hada al-shay, fa hada ismun. Donc tu vois, il a dit, c'est pas seulement la fatwa en soi, ce que tu ressens. Il s'arrive fréquemment que les gens émettent des fatwas, et tu dis cette fatwa-là, Même des fois, il donne un verset ou un hadith, tu dis, j'ai l'impression que c'est hors contexte. T'es pas moutma'in. Tu vois, telle chose, la jose, telle chose, au contraire, la jose, après il te donne ce qu'il voit comme étant un dalil, et malgré cela, ton âme, elle n'est pas apaisée. Si à ce moment-là, elle n'est pas apaisée ou quoi, va demander à quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui tu as vraiment confiance. Quand là, l'alim ou laysa ma'souman, car le savant n'est pas infaillible. Faqad yukhti ayujib ala dhahir wa la yadri an batin. Vous voyez, il se peut qu'il se trompe, car lui, il répond selon l'apparent et ne connaît pas l'intérieur de la chose. Quand yakun al-alim alim dalal kazalik, un savant du mal, de l'égarement. Wa al-ulama laysu sawa. Vous voyez, les savants ne sont pas tous égaux. Ça amène à quoi, mathalan? Comme des gens, par exemple, là, il parle du alim. Comme des gens qui ont cette fâcheuse tendance aujourd'hui à rendre ulama des gens qui ne sont pas ulama. Ils vont les interroger. Les gens ne sont pas des ulama. D'accord? Ils ne sont pas des savants. Ils ne sont pas des gens qui sont aptes à émettre des fatwas dans tous les domaines. Et les gens vont les interroger sur des choses qui ne sont pas de leur ressort. Et ils leur mettent des fatwas. Et cette fatwa-là, après, c'est une personne qui, elle, à la base, elle veut quelque chose. Elle ne cherche pas à savoir la vérité. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Elle veut cette chose-là, et elle veut, comment dirais-je, comme une forme d'autorisation. Comme ça, le jour où elle se trompe, ou plutôt, elle fait la chose, car au fond d'elle, je pense qu'elle doit savoir que ce n'est pas correct, elle dit, Cheikh Foulen, il m'a fait la fatwa. D'accord? Cheikh Foulen m'a fait la fatwa. Fahad al-Kohol, ma wassalam. Il dit seulement le chien, il fait allusion. Par exemple, des gens, quand tu leur dis cela, l'inabar de Nas, الذي له هوى ورغبة في الشيء يقول ما دام أفتى فلان بهذا فليس علي شيء وهذا في ذمتي. Les gens, ils veulent quelque chose. Ils ont une envie. Et il dit, à partir du moment où un tel a fait la fatwa, خلاص, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai demandé, c'est pas sur moi. D'accord? Moi, j'ai pris la fatwa, j'agis. En conséquence. فنقول له فلان لا يغني عنك من الله شيء. فلان, il va en rien pouvoir t'épargner d'Allah Azza wa Jal, de l'erreur. وَلَا يَعْلَمِ الْغَيْبِ. Il ne connaît pas l'invisible. وَلَيْسَ مَحْصُومًا. Il n'est pas infaillible non plus. وَلَا يَدْرِي عَنْ مَدَى صَلِحِهِ وَدِينِهِ. فَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى مُجَرَّدِ الْفَتْوَى حَتَّى تُعْلِدَهَا عَلَى نَفْسِكَ. إذا وجدت نفسك مطمئنة إليها وليس عندك تردد فيها فلا كراهية فخذ بها. وإذا وجدت العكس فاتركها. هذا ميزان عظيم يسير عليه المؤمن في التقوى أو في الفتوى. في الفتوى. كلا دي. Toi, ne te base pas sur le simple fait que tu aies une fatwa. C'est ce que tu vois en toi, ce que cette fatwa-là, parce que, à Salah, tu te sens apaisé ou pas de ce call qu'on t'a donné. Si tu vois que tu es moutmaï de ce call qu'on t'a donné, alors, à ce moment-là, il a dit, agis en conséquence. Mais si jamais tu sens qu'il y a une chose en toi, d'accord, alors délaisse. Et c'est une chose sur laquelle doit marcher le musulman dans l'ordre de la fatwa. Celui qui n'a pas science, qui demande au ulama, déjà, il voit au fond de lui, est-ce qu'il se sent apaisé de ce qu'on ou pas. Il ne regarde pas ce qu'il arrange et ce qu'il n'arrange pas. Donc, comme on disait tout à l'heure, aussi, il faut revenir vers la personne qui est apte à répondre à la question. T'as des gens, ils savent, par exemple, qu'un tel, qu'ils appellent Cheikh, il dit oui à tout. Donc, ils disent, on va demander à Cheikh Foulen. J'espère qu'il va dire oui. Une fois qu'ils ont eu leur oui, ils reviennent, ils font ce qu'ils ont à faire, on dit, pourquoi tu fais ça, c'est haram. Cheikh Foulen, il a dit. Tu vois, tu dis, Cheikh Foulen, il a dit, on lui a demandé. Tu dis, Cheikh Foulen, il n'est pas apte à répondre à ce genre de questions. D'une part. Et en plus de ça, il s'est trompé. Et tu donnes d'autres adillah et de calem de d'autres ulama, plus forts que Cheikh Foulen, des vrais ulama, tu vois. À ce moment-là, tu verras la personne comment réagit. Si vraiment il veut la vérité. Car demander à une personne qui n'est pas apte à répondre, ça amène à ta perte, ainsi qu'à la sienne. Comme dans le hadith de cet homme qui a tué 99 personnes. C'est Allah un alim. Donc les gens l'ont indiqué, un rahib, un moine. Lui a demandé un alim, il savait pas. Et les gens l'ont envoyé vers quelqu'un qui pensait être un alim, parce qu'il avait un bon comportement, car il était abid, c'est un dévot. Donc ils l'ont jugé comme étant apte à répondre à la question. Alors ce n'était pas le cas. Pour dire que ce que les gens t'indiquent n'est pas forcément la vérité. Donc lui, il est parti demander à cet homme-là, un ou quand il a été certain, il a demandé, j'ai tué 99 personnes, est-ce que j'ai une tauba? Il lui a dit, là, t'as pas de tauba. Il a fait quoi, cet homme-là? Il l'a tué. Donc, ce rahib, ce moine, a causé sa perte par son ignorance. Il a répondu une chose qu'il ne savait pas. En plus, il a eu tort. Et résultat, il s'est fait tuer. Parce que par la suite, cet homme-là est parti demander un autre, qui était vraiment un alim, qui te dit oui, t'as une toba à faire. Une toba qui est acceptable. Mais à condition que tu quittes ce lieu et que tu ailles vers des gens qui soient sur une terre où il y a des gens qui adorent Allah Azzawajal, car la cause de ton erreur, c'est que tu sois ici. Donc il a donné la fatwa et il a donné la solution. Voilà. La solution. Eh bien, cet homme-là, qui a tué 99 personnes, quand il a entendu le kalam de ce rahib, il n'a pas aimé. Pourquoi il l'a tué? Il l'a tué. Et après, est-ce qu'il a abandonné? Non, il a cherché encore. C'est vrai qu'il n'était pas mutma'in. Il avait un espoir. Et après l'espoir, alhamdulillah, Allah azawajal fataha alayhi, hatta qu'il a trouvé cet homme-là, ce alim, qui lui a répondu avec la bonne réponse. Il lui a donné également la illa, la cause. Comment tu en es arrivé là? Comment tu en es arrivé là? Donc la question n'est pas là pour te plaire, mais elle est là pour t'indiquer comment agir. Et des fois, le haq, même souvent, le haq, il est mûr, il est amer. Des fois, tu dis, tu as telle chose à faire, ça fait mal à ton nefs. Mais même si ça ne contredit pas ce hadith, c'est-à-dire ça fait mal à ton nefs, à ton amour propre, au fond, tu dis, je sens que c'est la vérité, ça. C'est-à-dire, moi, pour moi, c'est dur de faire ça, tu vois, mais je sens que c'est un col qui est vrai. Tu le sens en toi. Donc, hada wa al-hadith, plutôt c'est deux hadiths, qui est que lorsqu'une personne veut savoir c'est quoi le bien ou le mal, comme on dit, c'est pas dans l'absolu non plus, s'interroge lui-même en premier lieu. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cette chose-là? Est-ce qu'il la ressent bien ou pas? S'il la ressent pas bien, c'est qu'il y a un problème. S'il la ressent bien, c'est que la chose elle est correcte, bismillah ta'ala. Et cette chose qui est en lui, il ne veut pas que les gens la connaissent. Si c'est mais c'est cela en toi, alors sache que, d'accord, c'est une chose qui est mal. Et qu'on explique, c'est pas dans l'absolu. Des fois, t'as des choses, elles sont gênantes. D'accord? Ben, Salen Ali, radhiyallahu anhu, qui voulait interroger à propos du mazi, ce qu'on appelle le pré-éjaculatoire, ou akaza, il était gêné d'en parler. D'accord? Ou kazalik, Soleim, quand elle a interrogé le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'irtilem de la femme, les rêves érotiques de la femme, elle a dit, Nallah, la yastahmin al-haq. C'est-à-dire, c'est une chose qui est gênante, mais il faut le dire. الذي ثم قال في الحديث الثامن والعشرين وتتم حديث يقول عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوسنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين غضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومضاصات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي. Donc ce sahabi qui est Abu Najih al-Irbad Musaliya nous informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation. Il a fait un sermon qui a fait frémir les cœurs, qui a fait couler les larmes. Et ils lui ont dit, au messager d'Allah, on dirait que c'est une recommandation d'adieu, comme si tu allais mourir, pour les alikas. Donc, recommande-nous, exhorte-nous. Il a dit, je vous exhorte à la crainte d'Allah, azawajal, et de l'écoute et de l'obéissance, c'est-à-dire au gouverneur. Quand bien même, vous seriez sous le commandement d'un esclave habashi, c'est-à-dire éthiopien. Car ceux qui vivront d'entre vous après moi, c'est-à-dire après moi, verront beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunnah, ainsi qu'à celle des califes bien guidés et droits, et mordez-y avec les molaires, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Min hadha al-hadith nara anna al-wa'z kama qala al-shaykh matlubun wa tafkir billah wa tafkir bil-jannah wal-nar والبعث والنشور مطلوب qu'il est demandé justement d'exhorter les gens, de leur faire des sermons de temps à autre, de leur rappeler Allah, de leur rappeler le paradis, de leur rappeler le feu, de leur rappeler le jour de la résurrection, tout cela. Ou le Coran mu'iza, le Coran en lieu entier c'est une mu'iza également, il appelle à cela, c'est un rappel. Comme a dit Ta'ala, وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَفُ وَعِيدٌ Et rappelle par le Coran ceux qui ont peur de ma menace, ceux qui craignent ma menace. Et comment tu fais un rappel? Par le Coran, par parole d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, wal wa'id matloubun, khilafin al-lazina, al-an, yuhawwinuna, يهونون من شان الوعظ فإن من شان ذكر الجنة والنار والقيامة والحشر يهونون من هذه الأمور كما ينشر في الصحف ويسخرون من الأئمة والخطباء الذين يعظون الناس هذا دليل على نفاقهم ولكريتهم للحق ولعذب الله ولقصة قلوبهم إلى دي نسمى قدرتي لجان لفعل الرابل C'est une chose qui est demandée, comme on l'a expliqué, contrairement à ceux qui, justement, méprisent cela. D'accord ? Ils méprisent le fait qu'on parle des gens, on leur appelle le Jannah, qu'on leur appelle le feu, qu'on leur appelle la résurrection, qu'on leur appelle le rassemblement. Toutes ces choses-là, ils les méprisent. Comme on peut le voir dans les souhouf, dans les journaux, les journalistes. Ils se moquent des imams, ils se moquent de ceux qui font les khutbah, ceux qui rappellent les gens. Et ça, c'est une preuve de leur hypocrisie et qu'ils détestent la vérité, wala azubillah, et la dureté de leur cœur. Comme encore le Ta'ala, فَمَا لَهُمْ أَنِ تَذْكِرَتِي مُعْلِدِينَ Qu'ont-ils justement à se détourner du rappel? C'est comme ces gens, lorsque tu leur parles du ilm, ils te disent, vous êtes en train de dire hadasana, hadasana, et les gens sont arrivés sur la lune, d'après eux. Tu vois? Vous êtes dans l'endroit au livre, dans le masjid, assis entre vous, fermés, ou à reste du monde, alors que les autres sont arrivés sur la lune. Ces gens-là, tu leur réponds comme il a été dit. Tu lui dis, Awolen, les gens ont dit, vous parlez de gens qui ont un lien de la créature à la créature. Nous, c'est un lien du créature vers le créateur, d'une part. D'autre part, vous voulez aller sur la lune, nous, on voit le Jannah. Le Jannah est au plus haut que la lune. Vous voyez? Par rapport à ça. Donc ces gens-là, ils sont là, ils critiquent la sunna, ils critiquent le ilm, ils critiquent l'istiqama, car leur vision, elle est dunyawiya. Ils voient que les choses de la dunya. Et ils pensent, ces gens-là, que c'est à cause du sol qu'on est en retard. On dit non. Sinon, c'est le fait que, à cause de gens peut-être comme vous, qui n'appliquent pas l'islam, qu'on est en retard. C'est ça qu'il faut voir. La illa, elle n'est pas chez Moustaqimin. Le cancer, il est chez vous. Si jamais tu prends l'islam comme il se doit, tu verras que Allah Azza wa Jal te donnera le monde. Regarde aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe dans cette pandémie de coronavirus dans le monde qui tourne. Les gens se battent pour faire les causes, pour se préserver. Les gouverneurs prennent des décisions pour préserver leur pays, pour préserver leur population. Et ils y mettent de grands efforts. Ça, c'est quoi? Côté vital, côté humain. Même avec les koufars, on est égaux là-dessus. Ce qu'on appelle la survie, quelque sorte. Ils agissent vite, ils réfléchissent, ils font des causes. On dit, est-ce que vous avez agi de la même sorte pour la religion? Pour empêcher que le corona il se propage dans vos pays? Est-ce que vous avez fait la même chose pour pas que le chiffre se propage dans vos pays? Lorsque vous avez empêché que le corona il vienne dans vos pays, vous avez fait la même chose pour que le péché ne se fasse pas dans vos pays? Non, bien au contraire, vous ouvrez la porte à cela. Tu vois? Vous ouvrez la porte à cela. Car votre vision, elle est donnée à Ouya. Elle n'est pas au Khraouya. Et les gens, c'est pareil. Tu les vois aujourd'hui, ils se mettent le masque, ils mettent des gants, ils ne serrent pas la main. D'accord? Tu dis hier, non, ça ne serait pas la main aux femmes parce que Allah nous l'interdit. Vous vous moquez de nous et aujourd'hui, par peur du vieux, tu ne serres pas la main, même pas un enfant, à personne. Tu dis, là où on va là, hein? Nous, c'est pour Allah qu'on ne fait pas. Pourquoi? Pour l'au-delà. Et toi, maintenant, tu ne fais pas à personne, même pas à ton propre père. Pourquoi? Pour ne pas attraper cette maladie qui, de toute façon, elle ne va même pas te tuer. Juste, tu vas être contaminé, tu ne vas même pas en mourir. Tu vois? Donc, c'est quoi la priorité chez les gens? Si c'était le djinn, eh ben, comme on disait, si jamais ils agissaient comme ça pour leur religion, aujourd'hui, peut-être qu'on ferait l'azan sur la tour Eiffel. Les Yahouds en Palestine paieraient la jizya. Ça veut dire quoi? Qu'Allah nous aurait donné le monde. En faisant quoi? En appliquant la religion. Si on se battait pour notre djinn, en mouman, hukam ou mahkoumoun, comme on le fait aujourd'hui contre cette maladie-là, le monde serait à nous alors qu'il est là, les musulmans. Mais le problème, c'est que les gens, leur vision, elle n'est pas comme ça. Il est minahim Allah wa qalil mahoum. Donc il dit, mou'idha wa jilat minah al-kuloum. Un rappel qui fait frémir les cœurs. Comme a parlé Ta'ala, innama al-mu'minuna allazina idha dhukiru Allah wa jilat kulubuhum. Vous êtes tous les ta'alim ayatuhu, zadatum imana wa rabbim tawakkaloun. Que les croyants sont seuls, ceux lorsque le nom d'Allah est évoqué, d'accord, leurs cœurs frémissent. فهذا من ثمرات الإيمان parmi les fruits de la foi. وظرفت منها العيون que les larmes ont pleuré. qui a eu un effet sur eux par rapport à cela. يقول أما تأثر بالوعظ فهو دليل على سلامة القلب من القسوة. Lorsque tu vois que on te fait un rappel et que cela influe sur toi, te touche, ça prouve que ton cœur il a une certaine sérénité, mais qu'il est inshallah qui n'est pas malade de la dureté. Après, les gens diffèrent par rapport à ça. Tout comme également, ces mawa'iz doivent être faits de temps à autre, et pas à l'excès, de peur que les gens ne finissent par s'ennuyer, s'enlacer, ça ne fasse plus effet. Pourquoi? Il entend tous les jours. Ça joue plus sur lui. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Hanzara, qala, لو كنت معي, لو كنت دائما كما أنتم معي, لصفتكم الملائكة في تلوككم ولا فروشكم. ولكن ساعة وساعة. Il a dit à Hanzara, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous étiez avec moi tout le temps, dans le sens, avec le rappel que je vous fais, moi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous soyez à un stade où les anges viendront vous serrer la main dans vos chemins, sur vos lits. Cependant, il y a un temps pour tout. Un temps pour le rappel, et un temps également pour vos familles, et pour la distraction, au réel des adéquats. Et quand on parle de distraction, on parle de ce qui est permise. Pourquoi? Pour que ça puisse se renouveler par la suite. Maintenant, si tu l'as tous les jours, tu ne la ressens plus. Comme une nourriture. Un plat que tu aimes beaucoup, ton plat préféré. Si on te le met tous les jours devant toi, au bout d'un moment, tu vas t'en lasser. Tu voudras autre chose. Tu voudras autre chose. Donc la mort, Eva, elle doit être faite correctement de temps à autre. Et d'ailleurs, c'est venu à Arthur de Mas'ud, qui disait qu'on ne fait pas le rappel tout le temps, qu'Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait de temps à autre seulement, pour ne pas que l'on se lasse. Donc là, les sahabas ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, quand ils ont vu la force de cette mort, Eva, qu'il leur fasse une recommandation. Il leur a dit, vous s'écoutez du taqwa Allah azawajal. Je vous exhorte à la crainte d'Allah azawajal. Taqwa, on expliquait, c'est wiqaya bina al-abd wa iqabillah. C'est une protection que tu mets entre toi et le châtiment d'Allah azawajal. Comme le ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous les croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Ya ayyuhan nas ittaqoo rabbakum, vous les hommes, craignez votre Seigneur. Et souvent quand tu vas demander à un alim qu'il fasse une wasiya, il va te dire une wasiya bi taqwallah. C'est le plus important qu'il puisse être. La taqwa englobe tout. Elle englobe même le tawhid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a wa qala ittaqoo rabbakum ou taqwallah. Qala taqwallah, craignez Allah wa sallu khamsakum. Et faites vos 5 salawat wa sumu shahrakum. Et faites le somme de Ramadan. Wa adu zakat amwalikum. Et donnez la zakat de votre argent. Wa ati'u umara'akum. Et obéissez à vos gouverneurs. Tatrouluna jannata rabbikum. Vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. On dit quoi au début? Ittaqu rabbakum. Ça veut dire quoi? Le tawhid. Par rapport à ça. D'où la phrase d'après quand il dit, kazalik, wa samata'a. Ça va ensemble. L'obéissance au gouverneur. قال وانت امر عليكم عبد même si on vous mettrait sur vous étiez sur la gouverne d'un esclave. Donc là تعت لولي الامر المسلم على اصل من اصول هذا الدين. Le fait d'obéir au gouverneur, c'est parmi les fondements de cette religion. Et tu ne verras pas un kitab de aqida qui touche à l'aqida au moment sans qu'il ne cite ce sujet-là, d'obéir au gouverneur musulman, même si c'est un fadir, tant qu'il est musulman. Son droit, c'est l'obéissance. Dans le ma'arouf. Tu l'obéis dans le ma'arouf, dans ce qui est correct. Et les hadiths sont très très nombreux. Et même si tu verras de lui un mal, chose qui est quasiment inévitable, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir après moi des choses qui vont vous déplaire, parmi vos gouverneurs. Ils ont dit, les sahaba, que tu ne recommandes-tu au messager d'Allah? Il a dit, patientez. Dans une version, dans le hadith Anas, il a dit, addu allazi wa alaykum, wasallallah allazi wa lakum. Rendez votre droit à vous, qu'il doit recevoir, donnez-le. Et votre droit à vous, demandez-le à Allah. C'est-à-dire, rends le droit au gouverneur, tu patientes, et ce qu'il ne te donne pas à toi, lui, demande à Allah, et patiente. L'inna Anas, qu'allah, fa'innahu sami'atum nabiyikum, fa'qallah layati zaman. Il est voulu dire qu'il n'y aura pas une époque, que ce soit après, soit pire que l'autre. Ça, c'est lorsque les sahabas sont venus le voir pour lui citer ce qu'il vivait comme dureté face au Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et dans une version, il a dit les sahabas, ils ont dit, alors nous qu'attilouhum, ne va-t-on pas les combattre pour cela? Il a dit, là, ma sallou. Là, ma sallou. Tant qu'ils font la complète salat, vous ne les combattez pas. Ah, il a dit, il entera au fihim, kufran, bawahan, lakum, minallahi, burhan. Tant que vous ne voyez pas d'eux une mécréance évidente, claire, basée sur une preuve d'Allah Azzawajal. Pas des choubouhat, pas des suspects, une chose claire, wadiha. Donc le gouverneur, tu l'obéis. Qui qu'il soit, si c'est un, il a pris le pouvoir, tu l'obéis. D'accord? Tu l'obéis. Et pour ça, il a dit l'exemple, « Wa law ta'amara alaykum abdun habashiyun » Même si c'est un esclave éthiopien, pour montrer le côté de l'importance que pose le niveau social, le plus bas qu'il y ait. Un noir, esclave, on dit, bah, même si lui est arrivé à avoir le pouvoir, pour te dire, tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir. Par contre, tu l'obéis dans le ma'arouf. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La ta'at li makhlouq fi marsat al khaliq » Pas d'obéissance à la créature, on a des obéissances au créateur. Et après, il a dit, « Fainnou ma'in a'ish minkum, fassayra ikhtilafan kathira » C'est d'entre vous qui vont vivre par la suite, verront certes de nombreuses divergences, de nombreux désaccords dans la Ummah. Il a averti que ça allait arriver. Il a averti que cette communauté va se diviser en plusieurs sectes. Il a annoncé qu'il allait avoir des imams égarés et égareurs. Cela allait se produire. Tout cela, il a annoncé le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, c'est quoi la solution? Elle a dit, fa'alaykum bi sunnati. Kama qala ta'ala, fin talazatum fi shayin farudduhu ila Allah wa rasul. Si vous divergez quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et au son messager. Donc il a bien dit, alaykum bi sunnati. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashid al-mahdiyin. Prenez ma sunna. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout clarifié de la religion. Et ça, c'est une réponse au Asalta Madhhab qui s'accroche et qui prétend qu'il faille absolument suivre un Madhhab. C'est ça la solution de la Ummah. On dit ce n'est pas vrai. La solution de la Ummah, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, il l'a dit. Alaykum bi sunnati. Prenez ma sunna à moi. وَسُنَّةِ الْخُرَفَاءِ الرَّاشِدِ الْمَهْدِيِّينَ Et la sunna des quatre califs bien guidés. Il n'a pas dit « عَلَيْكُمْ بِمَالِكِ عَلَيْكُمْ بِأَحْمَدِ عَلَيْكُمْ بِأَبِي حَنِيفَ عَلَيْكُمْ بِالشَّافِعِ وَعَلَيْكُمْ بِالْأَوْزَاعِ وَعَلَيْكُمْ بِالثَّوْرِ وَكَذَا » Parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des mazahibs à l'époque. Il n'y avait pas que ces quatre-là. D'autres mazahibs seulement, Allah fait que ce sont ceux-là qui ont, par la suite, poursuivi jusqu'à notre époque. D'accord ? Si jamais c'était le cas, Allah Nabi Sallam nous l'aurait dit. Mais il a dit, alaykum sunnati. Car des fois, des gens, tu les interroges sur toutes les divergences qu'il y a aujourd'hui. On entend un tel dit ça, un tel dit ça, on ne sait plus où est la vérité. C'est ce hadith là que tu dois lui donner. Alaykum sunnati. Apprends ce que la sunnah dit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on dénigre le ulama, abadan. Mais on te dit que notre sunnah, c'est celle du Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Et on prend les calèdes du ulama qui nous amènent seulement à cette sunnah là. Sans nous affilier à eux. Car des fois, le haq peut être avec un. Et l'autre, le haq va avec un autre. Donc comment s'affilier à un homme comme ça, qui n'est pas marsoum? On ne l'a pas fait avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'est pas affilié à lui, par son nom, je parle. Anna Mohammedi. Anna Omari. Anna Ali. Anna Othmani. On ne l'a pas fait ça. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a fait leur éloge. Et Allah, azza wa jalla, a fait leur éloge dans le Coran. Ce sont les salafs à la base. Et les sahaba. On ne s'est pas affilié à eux. On va s'affilier à la man wa dounahum. Qu'on les respecte, qu'on les aime, ces grands imams, mais les sahabas sont ahab ilayna. On préfère les sahabas à ces gens-là. Et eux-mêmes diront la même chose. Et eux n'ont jamais appelé ce qu'on les suive aveuglément, ces gens-là. Donc ça, les gens qui appellent le tamadzoub, ils n'ont aucun dalil avec eux. Que des chubouhettes. Ils n'ont rien du tout. Pas un dalil du kitab de nuit de la sunna. Ils n'ont rien. Juste pour sortir un kelem de quelqu'un qui amène dans le sens que eux ils veulent, ou un hadith, ils vont l'interpréter selon la façon que eux ils veulent, ou assez selon la façon que l'on ils veulent. On dit, nous, on revient, kitab wa sunna, à la femme salaf al-salih. Donne-nous un sahabi qui appelait à cela, tu ne pourras pas, parce que les sahabis ont vécu avant ces gens-là. Donc, tu ne vas rien trouver. Tu pourras remuscier les terres, tu ne vas rien trouver. D'accord? Et le tamadzhoub, c'est arrivé après l'époque des adba at-tabi'in. Ces imams-là étaient des adba at-tabi'in. Mais le tamadzhoub, c'est arrivé après eux. Donc, les sahaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas connu. Les sahaba ne l'ont pas connu. Les tabi'in ne l'ont pas connu. Ou adba'a tabi'in ne l'ont pas connu. Les meilleures générations. Donc, ça s'appelle comment ça par la suite? C'est une sunna, ça? Là, ça c'est une bid'a. Et quand on dit bid'a, je parle de celui qui s'accroche à un tamadzoub. D'accord? Et qui ne suit que cela. Qui dit, moi je suis telle et telle chose. Dans le mazhab, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, on dit, le Nabi Salam, il a dit, c'est comme ça. Il dit, moi, je suis Maliki, moi, c'est comme ça chez nous. Et ben, ça, c'est un Moubtadi'a. Ajd al-Asr, c'est un Moubtadi'a. Ça peut même aller jusqu'au Kouf, comme a dit Charles Sam. C'est-à-dire, tu qaddam ce que tu considères comme étant le col de Malik, et des fois même, les Maliki, c'est pas le col de Malik. Ben Massa, il ne cite pas son col. Mais ils suivent le col d'une personne qui n'a pas été envoyée. Ils le font devancer à la parole du Nabi Salam. Ada, yustatab, ou yuktal. Charles Sam, il dit, lui, il fait Toba, ou alors on l'exécute. C'est d'Arida, ça. Tu as qu'à quelqu'un d'autre à la Torah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Tawhid, il est dans l'Ibadah, l'Illahi azawé, Mutaba'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, Ashrakta fil Mutaba'at. Tu as suivi autre que lui, en s'opposant à son ordre. Non. Donc il dit Kazalik. Après, connaître la Sunnah, ça demande d'étudier. Connaître la Sunnah, ça demande d'étudier. Bila Shek. Les gens disent la Sunnah, je ne la connais pas. Il faut étudier. Chez les savants de la Sunnah. À travers les livres de la Sunnah. Regarde les hadiths, les moutons, les explications des moutons, et tu vas comprendre l'Ibn Ta'ala. Et il a dit, « Alaykum bi sunnati wa sunnat al-khurafa rachid al-mahdiyin min ba'di. » D'accord ? Suivez la sunnat de mes califs bien guidés. Droit. Qui sont-ils ? Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali. Ce sont les khurafa rachidun, al-mahdiyun, qui étaient les meilleurs des sahabas. Abu Bakr Siddiq était le meilleur des hommes après tous les Anbiya. Ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Et ça le tartib chez Al-Sunnati wa Jama'a. Là où il y a le khilaf avec le tashayyu, avec les Shia, c'est le début du tashayyu, pas celui de maintenant, c'est juste qu'ils préféraient, ils ont fait préférer devancer Ali sur Othman. C'est ça au début du tashayyu. Après ils ont exagéré au point de dénigrer et même de rendre mécréant les autres sahaba en disant que c'est Ali qui méritait d'être, de recevoir la révélation ou même d'être calife, le premier. Là c'est Rafid. Eux, les rawafils sont les kuffars. Donc maintenant, il y a une masala par rapport à ça. Est-ce que ce hadith veut dire que chaque acte d'un calife est une sunnah? As-sawab an-naoula. Là, le hadith, il dit, dessus la sunnah, car il a bien dit, al-rashidin al-mahdiyin. Rash et le rouge, de qui ils l'ont pris? Du Nabi sallam. Et le hidayah du man? Du Nabi sallam. Donc on suit leur sunnah, qui correspond à celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a déjà des khilafs par rapport à eux, les sahaba. Par exemple, Abu Bakr, roi de l'annonce, qui est l'histoire de la Ridda, lorsque les Arabes n'ont plus voulu payer la zakat après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu les combattre. Donc les sahaba n'étaient pas d'accord. Omar non plus. Quand il a tuqatil al-nas, quand il a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, umirtu nuqatil al-nas hatta yakulu la ilaha illallah. فَنْكَالُوهَا عَصَمُمْ مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَى فِيَاقِ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Il dit, veux-tu des gens alors qu'ils ont dit la ilaha illallah? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sont préservés. Et après Abu Bakr, il a dit qu'il va combattre ceux qui ont différencié entre la zakat et la salat. Et après il a dit quoi? Omar, j'ai su que c'était la vérité. Au début, Omar n'était pas d'accord avec lui. Si ce hadith-là disait qu'on devait les suivre obligatoirement, alors on dirait, ah, je suis avec toi. Depuis le début, eux-mêmes ont divergé entre eux. Lorsque Omar et Abu Bakr ont interdit une forme de hajj. Je crois que c'est le tamattu, je ne sais plus c'est lequel. Ibn Abbas, lui, l'a rendu permis, lorsque les gens l'ont interrogé. Ils disent, et Ibn Abbas a donné un hadith aux gens. Et ils ont dit, mais Abu Bakr et Omar, il a dit, Yakoulakum Rasulullah, wa tutakulun Abu Bakr wa Omar, Yushakun Yakor alaykum, Jarad ibn Sama. Il a dit, moi je vous dis que le Nabi sallam a dit telle chose, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, je crains qu'il ne tombe sur vous des pierres du ciel. Qu'il ne tombe sur vous des pierres du ciel. Donc, si Ibn Abbas, hadith, n'avait pas compris, il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit, faites comme ils ont dit, c'est le Khulafa Rashid ibn Mahdi. Tu vois? La fameuse histoire de Azan de Othman, deuxième Azan. D'accord? Pour preuve, Ali ne l'a pas fait après lui. Ali n'a pas fait deuxième Azan de Othman. Et même aujourd'hui, les gens, comment ils le font, je ne vois pas comment Othman l'a fait. Othman, il l'a fait à une époque où les gens n'entendaient pas l'azan du masjid, était occupé dans le souk. Par peur qu'il oublie, il a envoyé quelqu'un dans le souk avertir les gens que la salat allait arriver. Aujourd'hui, ils font au masjid. Othman, il l'a pas fait au masjid. Il le fait dans la rue. Aujourd'hui, ce que vous faites là, c'est même pas ce que Othman, c'est, vous avez même fait une bid'a sur ce que Othman, il a fait. Tu vois. Comme Othman l'a fait, vous ne faites pas pareil que lui. Oh, akala. C'est-à-dire, ça a amené à des akwal. Il y a des khilafs par rapport à ça. Il y a des ulama qui voient que c'est une sunnah. C'est pas dans ce hadith-là. De ce hadith-là, il ne veut pas dire cela. Nous, on ne l'a pas compris comme cela. Quand même. Et d'autres ulama ont dit pareil. Cheikh Al-Bani voit comme ça. Cheikh Mogbil voit comme ça. Cheikh Taqiyaddin Al-Hilali voit comme ça. Plusieurs ulama, ils voient que ce hadith-là, il ne faut pas comprendre dans le sens que ce qu'ils font, c'est le wahi nazala ala Muhammad. le wahi, la révélation, et l'argument, le hujja, c'est dans le qul de Muhammad. Maintenant, s'il y a ijma des quatre califs bien guidés, est-ce qu'il y a, c'est une hujja ou pas? Les ulama disent na'am. Les quatre califs bien guidés sont unanimes sur une mas'ala, tu vois. Les ulama disent, aza yukbel, minhum. Ama un d'entre eux, ou deux d'entre eux, ou trois d'entre eux, sans que l'on soit d'accord, fala, na'am. Donc il a dit, tamassako biha, wa radu ala bin nawajiz. Accrochez-vous fortement à cette sunnah, les mordésies avec les molaires. Car c'est, c'est le même Malik qui a dit As-Sunnah Najah Misl Arsh Nuh Man Rakabahu Salim Najah. Et la Sunnah c'est comme le Safina de Nuh. Celui qui monte dedans il sera épargné. Il survivra. Après la Sunnah il faut la connaître. La Sunnah il faut la connaître, il faut l'apprendre. Et par la suite il a mis en garde toutes les bidars, les choses nouvelles en religion. On a déjà parlé dans le hadith de Aïcha auparavant. D'accord ? Et les bid'a, là, on fait allusion aux bid'a, des choses qui sont voulues par là, le côté dévotion, adoration, qui touche à la religion, pas à la dunya. Pour pas que des gens ils souffrent avec nous dire ouais, ben la voiture, ça n'existait pas, écoute, même ça quand même. Je dis la voiture, c'est pas une ibada à la base en soi. Taïeb. Et la religion, la voiture, c'est pas une chose qui est liée à la religion en soi non plus. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On parle des actes d'adoration. Ou des choses qui sont, dans lesquelles on met la niya d'adoration, et qui n'a pas de règles qui s'y rapportent. Donc il a bien dit, kulla bid'atin dhalala. Toute innovation est également. Il n'y a pas de bonne bid'a. Bid'a hasana, ou akada. Il n'y en a pas. Elles sont toutes, il a dit kul. Kul min alfaz al-umum. Les mots de généralité qui englobent toutes choses. Toute bid'a est également. Donc ce hadith est un appel à la tâche de la sunnah. D'accord, et qui montre l'importance, le haut rang des califs bien guidés. À savoir que ils ne sont pas marsoumoun d'un ijtihad, dans un ijtihad qu'ils peuvent avoir, ne pas voir juste. Non. Voilà le dernier jour. Tout de même. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta.